Les enfants dans les bois, poésie allemande. Trois enfants se rendant ensemble à l'école réfléchissent que c'est bien ennuyeux d'étudier et se disent « Allons au bois, nous y trouverons toutes sortes de jolis animaux qui n'ont rien de mieux à faire que de jouer et nous jouerons avec eux. » Ils s'en vont et passent sans oser s'arrêter devant l'active fourmi et s'écartent aussi de l'abeille. Mais le hanneton qu'ils invitent à s'associer à leur récréation leur dit « Y songez-vous, il faut en ce moment que je me construise avec ces brins d'herbe un nouveau pont, le mien n'étant plus solide. »« Moi, dit la souris, je dois faire mes provisions pour l'hiver. » »« Moi, dit la blanche colombe, j'ai plusieurs choses encore à porter dans mon nid. » Moi, dit le lièvre, je m'amuserais volontiers à courir avec vous, mais je n'ai pas encore lavé mon museau ce matin. Avant tout, je dois faire ma toilette. Et toi, gentil ruisseau, s'écrient les petits déserteurs, toi qui sautilles et babilles si bien, ne veux-tu pas jouer avec nous? Ah, voilà de sots enfants, répond le ruisseau. Comment? Vous vous figurez donc que je suis inoccupé? Nuit et jour, je n'ai pas un moment de repos. Il faut que je désaltère les hommes et les animaux, que j'arrose les collines, les vallées, les champs et les jardins. Il faut que j'éteigne les incendies, que je fasse mouvoir des forges, des moulins, des scieries. Je n'en finirai pas si j'essayais de vous énumérer tous mes différents emplois. Adieu, je suis pressé. Les enfants déconcertés lèvent les yeux en l'air et aperçoivent un pinson perché sur une branche. « Ah !» lui disent-ils, « toi qui n'as rien à faire, veux-tu venir jouer avec nous ?»« Rien à faire ? Êtes-vous fou ?» répond le pinson. « Pendant le jour, il faut que j'attrape des mouches pour ma nourriture. Il faut que je fasse ma partie dans le concert des autres oiseaux. » Que je recrée par mes chants le pauvre ouvrier dans son travail, que j'endorme les enfants par un autre chant, et que, soir et matin, je célèbre les louanges de Dieu. Allez, petits paresseux que vous êtes, allez aussi à votre devoir, et ne venez plus troubler les habitants des forêts, qui tous ont leurs tâches à remplir. Les enfants ont profité de cette leçon, et ils ont reconnu que le plaisir est doux quand il est la récompense du travail.